terre furent mises à l'épreuve par les dieux. Une épreuve si ardue que les hommes les plus valeureux essuyèrent d'innombrables échecs. Réfugiés dans les forêts, ils abandonnèrent les villes